Parce que l'amour, c'est dur comme un bois de caribou. Mais c'est beau. Oh, que c'est beau. On s'est rencontrés un soir dans un fosse fou. Je t'ai marché sur le pied et ça a été le coup de fou. Et le commencement, notre grande histoire d'amour. Moi, je croyais sincèrement qu'elle durerait toujours. Moi, j'avais tout fait pour qu'on soit heureux. Je t'ai même dit que je t'aimais au moins une fois ou deux. Si j'ai déconné sur pas mal de choses, tu l'as bien cherché, tu m'énerves quand tu causes. C'est quand même pas ma faute si je suis violent quand je bois. Je peux pas taper sur les autres. Ils sont tous ben plus forts que moi. Je pensais pas que tu souffrais quand je te mettais des trempes. Moi je croyais que tu pleurais pour faire ton intéressant. Tabernacle, faut avouer que t'es quand même pas ben solide. Marie-Lou, reviens-moi, en effet, pas ta timide. Oh Marie-Lou, pourquoi tu m'as quitté? Putain de caribou, t'as vraiment tout gâché. Oh Marie-Lou, pourquoi tu m'as quitté? Putain de caribou, t'as vraiment tout gâché. Croire Marie-Lou, j'ai changé en mieux. J'ai même arrêté de boire entre midi et deux. J'ai diminué l'agneau et j'ai plus la chaude pisse. J'ai même acheté un punch, une boule bourguin pour quand je me mets en crise. Oh, si je t'ai cassé la mâchoire, toi tu m'as mis le cœur en miettes. Oh Marie-Lou, je peux pas croire. Tu m'quiètes sur un coup de tête. Puis tu peux pas m'faire ça. T'es à moi, t'es ma blonde. C'est pour faire plaît de baisser les bras avant le dernier round.